Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Allemand Girl, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Ce soir, nouvelle émission en différé avec, ma foi, plein de nouveautés. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ce soir dans les petites choses que l'on ajoute tout juste? Eh bien, les vétérans du trash ricain. On a donc Overkill, d'autres vétérans venus cette fois d'Outre-Rhin, Olimosis, Smallpox Aroma pour représenter l'Asie du Sud-Est, Athanatéos pour la France, et quelques autres, voilà, qu'on s'égrènera tranquillou au long des 2 heures que l'on va pouvoir passer ensemble malgré tout. 2 heures que l'on va ouvrir avec la première doublette tout de suite maintenant, Cruelty, Dawn Raid, ensuite Cruelty groupe 2, Hardcore Death Doomisant qui nous vient de Tokyo au Japon. Ils sortent là leur nouvel effort studio Untopia. Une sortie Profound Lore Records. On s'écoutera le titre Maze of Suffering. Dawn Raid. Ensuite, là on est sur une formation black metal qui nous vient d'Angleterre, de Liverpool plus précisément. Ils sortent là leur troisième effort studio chez Prosthetic Records. To Know the Light. Et on s'écoutera le morceau Sepulchre Don't Vote. Cruelty Dawn Raid. Pour ouvrir l'émission de ce soir, bienvenue à toutes et à tous, c'est parti! Doublette suivante tout en puissance avec la première nouveauté de l'émission de ce soir, donc comme annoncé parmi les dernières nouveautés, Overkill, les vétérans du trash américain actifs depuis 1980, ils nous sortent là tout simplement leur 20e effort studio, une sortie Nuclear Blast, hein, c'est depuis 2010, c'est l'album Iron Band qu'ils sont signés sur le label. À noter que Iron Band c'était le tout premier effort studio d'Overkill qu'on a diffusé dans l'émission, comme on a pris le créneau en 2010. L'inimitable Bobby Blitz tient toujours le micro avec son timbre nasillard énergique qui ne bouge pas du tout. Un nouveau scud trash incisif, groovy. Voilà, 4 ans séparent ce nouvel effort studio d'Overkill du précédent. Et en doublette donc avec l'Irikin. Nous aurons les Finlandais de Rotten Sand, le groupe de grindcore qui nous offre là un album d'une puissance incroyable. 20 minutes pour 17 titres. L'album bien nommé Apocalypse sort sur le label français Season of Mist. La semaine dernière, on s'est fait un chouette focus avec l'ami Thibaut pour présenter le groupe, sa discographie et parler plus précisément de ce dernier effort studio. Franchement, précipitez-vous dessus, une buterie incroyable. Overkill, The Surgeon, extrait de l'album Scorch, Rotten Sound ensuite, une doublette, New Flash, Fight Back, extrait de l'album donc Apocalypse. I cut your dreams away! Pour la doublette à venir, on retrouve Afski et Esfir. Afski tout d'abord, une formation qu'on diffuse depuis quelques semaines, un projet black metal qui nous vient de Copenhague au Danemark, actif depuis 2015. Actuellement, ils assurent l'ouverture de la tournée européenne de Yuada. C'est de base un one-man band qui s'offre du coup des icônes de session pour du live. On est sur un black assez proche des influences DSBM, hein, avec des parties très mélancoliques lancinantes, des textes en danois qui renforcent le côté rappeux des compos, avec des titres qui avoisinent les 6-7 minutes. Voilà, c'est bien travaillé, bien composé, et on a même parfois des petits relents à moitié épiques dans l'approche black. Esfir ensuite, autre formation qui nous vient du Danemark. Là on est sur du Trash Death qui se veut assez moderne sur ce nouvel effort studio. On perd un peu en agressivité, on gagne en groove. Voilà, premier opus avec le nouveau vocaliste voilà, qui fait suite à Esbum. Voilà, le groupe a doté est actif depuis 23 ans maintenant. Esfir. Et juste avant ça, Afski avec le titre Talk for Alt, extrait d'album Ungerer Ar, et Sphere Darkspawn, extrait d'album Hatred Reborn. C'est parti. Thank you. On peut pas se faire de mal en se faisant du bien, et on s'envoie donc tout de suite une doublette de nouveautés. Tout d'abord Smulder, groupe de heavy epic, à tendance doom même, qui nous vient du Canada. Ils sont désormais établis en Finlande et actifs depuis une dizaine d'années. C'est une femme qui tient le micro et mène le line-up. Ils s'apprêtent à sortir leur second album studio chez Cruz del Sur Music. On est vraiment dans la tradition du revival heavy epic, hein, d'inspiration Mania Road ou des tout vieux Blind Guardian, avec une petite touche doom scandinave à la sauce Candlemass. La chanteuse est vraiment convaincante, dans son registre vocal. Et voilà, ça rajoute encore du volume super intéressant au compo déjà épique et entraînante bien comme il faut. Et ensuite, après les vétérans de Overkill, c'est donc les vétérans du trash death allemand Holy Moses, qui viennent tout juste de sortir ce qui est annoncé comme un album testamentaire, un 12e effort studio, le dernier semble-t-il, voilà, presque 10 ans que le précédent album a vu le jour, toujours mené par l'impressionnante Sabine Esklassen derrière le micro. Elle a d'ailleurs pris la décision d'arrêter cette année, et le groupe en profitera pour donner donc ses ultimes prestations live dans les mois à venir. Faut pas s'attendre à grand chose musicalement, il n'y a pas de renouveau, c'est pas non plus incroyable, c'est juste voilà un groupe emblématique, et ça permet de rendre hommage également à une pionnière dans le thrash et les musiques extrêmes en général. Holy Moses, donc qui nous sort ce nouvel effort studio intitulé Invisible Queen. Elle était loin d'être invisible d'ailleurs tout au long de sa riche carrière, Sabine Esklassen. On s'écoutera le titre Cult of the Machine. Et juste avant ça, Smulder, The Talisman and the Blade, extrait de l'album Violent Creed of Vengeance, une sortie prévue le 21 avril chez Cruz del Sur Music donc. Yeah. Doublette de violence ensuite avec tout d'abord les Italiens de D'Evangelic, l'excellent groupe de Brutal Death, originaire de Rome, actif depuis une dizaine d'années, qui nous sort un monstrueux quatrième album studio chez Willowtip Records. Ça défonce royalement, on est sur vraiment du death brutal, un peu tech, des passages ultra mid-tempo et très très lourdo à la sauce Nile. Hein. D'ailleurs, il y a une espèce de concept album autour de l'Égypte antique. Hein. Ce nouvel effort studio s'intitule Xoul, au passage. Et en doublette avec D'Evangelic, Gel, excellent groupe de punk hardcore bien énervé qui nous vient du New Jersey. Ils viennent de sortir leur premier album après différents splits et EP. C'est assez court, hein, cependant, 10 compos pour une quinzaine de minutes, rien de superflu, ça va clairement à l'essentiel, c'est ultra vénère, bas du front, c'est bien bien bien bagarre. 5 zikos au total, et une vocaliste, ainsi qu'une guitariste, et du coup la vocaliste, je peux vous assurer, qu'elle arrache. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la présentation musicale d'Evangelic? On s'écoutera le titre Shadows of the Inquitus, extrait de l'album donc Xoul. Gel ensuite, la doublette Onate Blade enchaînée à Eternal Ball, extrait de l'album Only Constant. C'est parti. We'll be right back. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. C'est l'heure d'attaquer l'aspect française avec dans cette première doublette une nouveauté. Mais tout d'abord, Karn, formation black metal française, bien évidemment. Le groupe nous vient du côté de Nancy, actif depuis une douzaine d'années. Ils viennent là de sortir leur troisième effort studio. On est sur un black au rythme très soutenu, très compact, des textes en français. Première fois que le groupe nous propose ça sur une sortie studio. Depuis le début, ils sont à trois gratteux. Du coup, en termes de riffing, de lead et autres petits tremolo picking black, on est extrêmement bien servi. Au niveau du line-up, on compte des ex ou actuels membres de Malevolentia, Sacrificer, autres Dawall. Voilà, car ça a été une excellente découverte pour nous dans l'émission. Et ensuite, une nouveauté qui nous vient du pays nantais, Athanatéos, du death metal, actif depuis une dizaine d'années. Ils sortent là leur troisième effort studio. Une recette assez personnelle pour le death metal de Athanatéos, hein, parce qu'on est sur une grosse base assez death asphyxiante à la Immolation ou même Nile, avec des petits relents black et même doomisants, ce qui fait qu'on alterne des parties violentes, épiques et même un peu plus, lourdes et asphyxiantes. Le titre qu'on a mis sur en diffusion, il est pas très représentatif de tout ce que je viens d'expliquer, parce que là on est sur un titre assez court et ultra frontal, ce qui permet cependant d'apprécier la partie vraiment death atypique que nous propose Athanatéos, d'autant plus que là on est sur un concept album qui traite de la période de l'Empire romain qui se déroule autour de l'empereur Constantin Ier, 4e siècle après Jésus-Christ. Grosso merdo, pour situer historiquement la chose, on est en plein relevage de l'Empire qui était divisé et affaibli, et surtout permis vraiment l'essor du christianisme en mettant fin aux fameuses persécutions, qui étaient très à la mode à l'époque. Karn, le morceau Kaffa, extrait de l'album Condamné, Athanatéos, You Are Not, extrait de l'album Cross, Deny, Glorify, c'est parti. We'll be right back. Jesus Christ.